fais ce que je peux, je fais ce que je veux, même si je sais que ça me plaît pas. Je m'invente sans inventer, je m'exprime tout seul sans rien. Je fais des vers qui n'ont pas l'air, et peut-être bien qu'ils n'en sont pas. Et de toute façon, les braves n'aiment pas ça. Je suis sincère, du moins j'espère. Je fais des vers qui n'ont pas l'air. Mais que faire quand la médiocrité prime? Un jour peut-être que cela changera, et alors on verra. Celle qui dit et qui s'exprime, celle qui parfois émeut. Le temps a tout de même de bon, même si parfois c'est désespérant. Le voir perdu qu'on a perdu, le goût qui fait beau, le goût qui fait la chanson. La chanson a bon dos, elle n'est plus celle que j'aimais. Loulou est mort, le coquelicot aussi. Le temps n'est plus, le temps s'en est allé. Mais il ne faut pas désespérer, même si cela ne rien rappeler. Quand je n'ai jamais connu, c'est peut-être ça le paradoxe. Aimer ce qu'on n'a pas connu, faut mieux oublier le présent. Je fais ce que je veux, je fais ce que je peux, même si je sais que ça me plaît pas. Je fais des verres qui n'ont pas l'air, et de toute façon les braves n'aiment pas qu'on prenne un chemin à côté. Et pourtant je suis comme condamné, et pourtant